J'ai pas connu les Parisiens, j'ai pas connu les Parisiennes, ni la vie qu'on mène là-bas, ni même le vent qu'on y sème. J'ai pas été à Tahiti, les palmiers, les noix de coco, nous on en a pas par ici, y'a pas le climat assez chaud. Les vacances au soleil, c'est pour quand j'en ai envie. Les vacances au soleil, c'est pour bientôt, c'est promis. J'ai jamais vu les pyramides, j'ai pas mis les pieds en Égypte. J'aurais voulu voir des momies comme dans les contes de la crypte. J'ai pas été en Alaska juste pour y caresser des ours. Paraît qu'il y fait bien trop froid, de toute façon j'ai pas la bourse. Les vacances au soleil, c'est pour quand j'en ai envie. Les vacances au soleil, c'est pour bientôt, c'est promis. J'ai pas visité le Canada car j'avais trop peur de l'avion. De toute façon, je les comprends pas avec leur accent à la Dion. J'ai pas été en Amérique pour flamber au casino, pour voir tous ces gens pleins de fric et pour y perdre le gros lot. Les vacances au soleil, c'est pour quand j'en ai envie. Les vacances au soleil, c'est pour bientôt, c'est promis. Mais j'ai pas fait la nouvelle star parce que j'aime pas les réflexions. J'avais pas envie, tous les soirs on me casse à la télévision. J'ai pas été à la Starac pour y apprendre des chansons, pour réussir un bon playback et y faire des compositions. Des vacances, mes oreilles m'en demandent pour leur survie. Des vacances, mes oreilles, quand je chante, ça fait trop de bruit.